de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quel étrange itinéraire, quel itinéraire rétro que celui de Fabrice. Encore adolescent, il a été saisi par le grand vent de l'histoire, il a couru à Waterloo. À peine revenu en Italie, il n'a pas encore 20 ans, tout est oublié à jamais. En se projetant en lui, Stendhal en a fait un étrange retraité adolescent de la grandeur. Dans « En lisant, en écrivant », Julien Gracq définissait en ces termes la destinée de Fabrice Del Dongo, l'anti-héros de la Chartreuse de Parme. En 1967, Roger Pilaudin consacrait au personnage une émission intitulée « Un de ses cœurs de fabrique trop fine, Fabrice ». Naissance du jeune homme, départ pour Waterloo, dialogue avec la Sanseverina et retrouvailles avec la douce Clélia, on plongeait pour un moment en Stendhalie dans cette émission réalisée par Jean-Jacques Vierne et diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mai 1967. Il me faut 3 ou 4 pieds cubes d'idées nouvelles par jour, comme il faut du charbon à un bateau à vapeur. Stendhal. On ne sait où l'on va, mais l'on se sent marcher avec volupté. Stendhal, un de ses cœurs de fabrique trop fine, Fabrice, par Roger Pilaudin, préface de Thomas Aron, avec Michel Leroyer, Jacques Toja, sociétaire de la Comédie Française, Renaud Marie, Louis Herbessier et Bérangère Dautin de la Comédie Française, Laurence Mercier. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Les écailles tombèrent des yeux de Fabrice. Il comprit pour la première fois qu'il avait tort dans tout ce qui lui arrivait depuis 2 mois. Pour la première fois, après 33 jours de fureur, Fabrice comprit le fin mot de tout ce qui lui arrivait. Les écailles tombaient des yeux de Fabrice. Il entrevoyait pour la première fois le véritable état des choses. Toute l'histoire de Fabrice est ainsi jalonnée de ces moments où le héros brusquement se réveille, où un voile se déchire devant ses yeux et la réalité soudain lui apparaît, dégagée du rêve qui l'embrumait. Mon âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans 10 ans et oublie de regarder ce qui se passe actuellement à mes côtés. Car Fabrice est d'abord quelqu'un qui rêve le monde et qui se rêve lui-même et qui se heurte à la réalité du monde comme à sa propre réalité. Il joue à Waterloo au héros de l'Arioste et à la Jérusalem délivrée avant de s'assurer s'il s'est chargé un fusil et s'attend à tout trouver sur un champ de bataille, sauf des cadavres. Ce qui n'est point fait pour la vie, que tout ce qui n'est pas sensation de l'âme lui paraît ridicule, et qu'à la hauteur où il plane, toutes les autres lui paraissent ou sont vulgaires. C'était un de ces cœurs de fabrique trop fines qui ont besoin de l'amitié de ceux qui les entourent. Le cœur tout plein de cet amour sublime dont parlent les hommes, il ne rencontre sur sa route que des duchesses d'A, aussi ennuyeuses qu'elles sont riches, des Marietta qu'on oublie sitôt qu'on ne les voit plus, ou même une duchesse Sanseverina, peut-être trop avide de pouvoir, trop passionnée par le jeu social, qui n'inspire qu'une tendre amitié et qui laisse le corps et le cœur disponibles. Il y a ainsi en Fabrice une sorte de Candide parvenu à l'épaisseur humaine, un libertin détendu, peu méchant, presque attendri, et pour couronner le tout, une âme sensible, une grande âme à la Jean-Jacques. Mais la grande âme, dans le conflit qu'il oppose au monde, donne orgueilleusement tort au monde. Le propre de Fabrice, c'est qu'il donne tort aussi bien à lui-même. Et précisément parce qu'il se rend compte que lui non plus, il ne se voit pas comme il est, mais comme il se voudrait. Je me compare toujours à un modèle parfait et qui ne peut exister. Et, un peu plus loin, ce fut en vain qu'il chercha dans son cœur le courage de parler avec cette simplicité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. Je ne vaux réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation. Et il n'y a plus dès lors qu'une solution au problème, c'est de vivre toujours dans l'exaltation et que les autres, un autre, une autre, viennent vous y rejoindre. La Chartreuse est un roman de formation, mais un roman de formation en quelque sorte inversé. Au lieu que ce soit le héros qui renonce à son rêve, ou du moins qui le restreigne pour l'adapter aux dimensions de la réalité, c'est ici la réalité, en la personne de Clélia, qui vient se modeler sur le rêve du héros. Et quand, pour la dernière fois, le voile d'illusion se dissipe devant Fabrice pour lui laisser voir la vérité, ce ne sera pas la réalité rugueuse à étreindre qui se dessinera dans l'ouverture, mais le rêve, soudain apprivoisé, à portée de la main, le bonheur, enfin devenu réel. Car il en était arrivé à cette découverte. Non, ce n'est point par grandeur d'âme que je ne songe pas à la prison. Malgré moi, je songe à ce regard de douce pitié que Clélia laissa tomber sur moi lorsque les gendarmes m'emmenaient du corps de garde. Ce regard a effacé toute ma vie passée. Car Fabrice, de toute éternité, était fait pour connaître le bonheur, pour le vivre, pour se vivre en lui. Ses défauts, sa figure un peu trop jolie, sa mollesse d'homme que les femmes font vivre, son arrogance parfois de grand seigneur trop assuré de ses droits, ne se justifie que par cet appel du bonheur. Si l'argent, la naissance, la beauté lui ont été donnés dès l'abord, c'est que le manque de tout cela ou l'effort à fournir pour le gagner laisse des traces. Et il ne fallait pas que la figure de Fabrice, que le bonheur de Fabrice, fût le moins du monde terni ou marqué, qu'on pût y lire rien de tendu ou de crispé. C'est un bonheur grave, pourtant, éloigné de tout ce que le plaisir ou la joie ont de bruyant ou de vulgaire, mais qui suppose, assume aussi en quelque sorte, le plaisir et la gaieté. Un bonheur qui ne doit rien à l'amour-propre, ni surtout à la vanité, ce virus social dont la moindre dose le tue. Un bonheur qui naît devant les spectacles sublimes de la nature, immense chaîne des Alpes étalées sous les étoiles, lacs italiens noyés dans la brume de midi, qui naît au contact de la musique, et qui naît surtout dans l'échange de deux âmes qui se sont reconnues. Ce bonheur, son lieu, ce sera un sommet, sommet de rochers, sommet de tours, préservé de la foule, de ses haines et de ses calculs, au besoin ou de préférence, une prison. Son geste, c'est le glissement, sa parole, le silence. Silence et glissement, il s'exprime souvent par les larmes, plus souvent par un regard longuement partagé. Sa figure reposait sur l'appui de cette fenêtre, et comme elle avait voulu le voir jusqu'au dernier moment, son visage était tourné vers Fabrice, qui pouvait l'apercevoir en entier. Lorsque, après quelques instants, elle rouvrit les yeux, son premier regard fut pour Fabrice. Elle vit des larmes dans ses yeux. Mais ces larmes étaient l'effet de l'extrême bonheur. Il voyait que l'absence ne l'avait point fait oublier. Les deux pauvres jeunes gens restèrent quelque temps, comme enchantés dans la vue l'un de l'autre. C'est ce bonheur-là que Fabrice a connu enfant sur les bords du lac de Côme. C'est son souvenir qui l'empêche de se perdre dans les plaisirs comme dans les ambitions de la cour. C'est lui qu'il retrouve pour un bref intermède lors de son échappée à Grianta. Et c'est l'irruption de ce bonheur à nouveau dans la cour de la prison où il échange son premier regard avec Clélia retrouvée qui lui marque dans un éblouissement que sa course est maintenant finie, qu'il est arrivé au but, que Fabrice enfin est né. Et pourtant, il nous faut aller plus loin, ou plutôt revenir en quelque sorte à notre point de départ. Car Fabrice lui-même n'en reste pas là. Ce bonheur si longuement cherché, si douloureusement acquis, Fabrice va passer outre. A-t-on assez remarqué l'importance de ce que Stendhal appelle si joliment un caprice de tendresse? Caprice compréhensible, légitime même, mais un peu fou, presque gratuit, et qui causera la mort de ce fils qu'il a eu de Clélia et qu'il veut arracher au mari de celle-ci, qui causera la mort de Clélia et la sienne propre. Mais il faut se demander si le vrai Fabrice, en fin de compte, n'est pas là. Montaigne disait qu'il préférait le passage à l'être. Fabrice n'est peut-être pas essentiellement dans son être, qu'on le fasse aussi multiple, aussi complexe qu'on voudra. Il est dans le passage qui, inlassablement, mène d'un de ses êtres à tous les autres. Fabrice n'est pas. Jamais Stendhal ne nous le montre dans un de ses portraits définitifs à la Balzac où le personnage se circonscrit tout entier. Fabrice ne sera pas, il se cherche. Parfois il se trouve, s'arrête dans une pause heureuse, puis se repère et reprend sa quête. Une quête qu'il poursuit sans fébrilité, sans véritable inquiétude ni passion, sans romantisme, bien plutôt avec une patience paisible et têtue, une énergie souriante et sans tapage, une lucidité modeste mais tenace. Son charme essentiel, finalement, ce qui plaît en lui aux femmes, c'est son ignorance, son incertitude. Son mouvement le plus familier, c'est de faire face et d'avancer à la rencontre de ce qui peut lui donner une réponse. Et sa figure, au sens rhétorique du terme, c'est l'interrogation. Ses vertus les plus sûres, son allant, sa gentillesse, son honnêteté, sa naïveté, sont interrogatives. « Suis-je un héros ?» pourrait être sa devise. Et ce n'est pas par hasard que pour bon nombre de lecteurs de La Chartreuse, ce qui reste de Fabrice après quelques années d'oubli, c'est une question. « Ai-je assisté à une bataille ? Cette bataille était-elle Waterloo ? Et dans le cas du oui, puis-je dire m'être vraiment battu ?» Fabrice, un de ces cœurs de fabrique trop fine. Fabrice Valsera, Marchesino del Dongo, comme on dit à Milan, venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent chassés et se trouvait, par le hasard de la naissance, le second fils de ce marquis del Dongo, aussi grand seigneur, et dont vous connaissez déjà le gros visage blême, le sourire faux et la haine sans borne pour les idées nouvelles. Toute la fortune de la maison était substituée au fils aîné Ascanio del Dongo, le digne portrait de son père. Il avait 8 ans, et Fabrice 2, lorsque tout à coup, ce général Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit du Mont-Saint-Bernard. Fabrice ne savait rien au monde que faire l'exercice et monter à cheval. Souvent, le comte Pietranera, aussi fou de cet enfant que sa femme, le faisait monter à cheval et le menait avec lui à la parade. Fabrice rejoint les armées de Napoléon, retour de l'île d'Elbe. Dialogue avec la comtesse Pietranera. Je pars, je vais joindre l'empereur, qui est aussi roi d'Italie. Il avait tant d'amitié pour ton mari. Je passe par la Suisse. Cette nuit à Menaggio, mon ami Vassi, le marchand de baromètres, m'a donné son passeport. Maintenant, donne-moi quelques Napoléons, car j'en ai que 2 à moi. Mais s'il faut, j'irai à pied. Grand Dieu, pourquoi faut-il que cette idée te soit venue ? Prends cette bourse. Mais au nom de Dieu, ne te fais pas tuer ! Que restera-t-il à ta malheureuse mère et à moi si tu nous manques ? Hier soir, il était 6h-7 minutes. Nous nous promenions, comme tu sais, sur le bord du lac dans l'allée de Platane, au-dessus de la Casa Sommariva, et nous marchions vers le sud. Là, pour la première fois, j'ai remarqué au loin le bateau qui venait de Côme, porteur d'une si grande nouvelle. Comme je regardais ce bateau sans songer à l'empereur et seulement enviant le sort de ceux qui peuvent voyager, tout à coup j'ai été saisi d'une émotion profonde. Le bateau a pris terre, l'agent a parlé bas à mon père qui a changé de couleur et nous a pris à part pour nous annoncer la terrible nouvelle. Je me tournais vers le lac sans autre but que de cacher les larmes de joie dont mes yeux étaient inondés. Tout à coup, à une hauteur immense, et à ma droite, j'ai vu un aigle, l'oiseau de Napoléon. Il volait majestueusement, se dirigeant vers la Suisse, et par conséquent, vers Paris. Et moi aussi, me suis-je dit à l'instant, je traverserai la Suisse avec la rapidité de l'aigle, et j'irai offrir à ce grand homme bien peu de choses, mais enfin tout ce que je puis offrir, le secours de mon faible bras. Il voulut nous donner une patrie, et il aima mon oncle. À l'instant, quand je voyais encore l'aigle, par un effet singulier, mes larmes se sont taries. Et la preuve que cette idée vient d'en haut, c'est qu'au même moment, sans discuter, j'ai pris ma résolution et j'ai vu des moyens d'exécuter ce voyage. En un clin d'œil, toutes les tristesses qui, comme tu sais, empoisonnent ma vie, surtout les dimanches, ont été comme enlevées par un souffle divin. J'ai vu cette grande image de l'Italie se relever de la fange où les Allemands la retiennent plongée. Elle étendait ses bras meurtris et encore à demi chargée de chaînes vers son roi et son libérateur. Et moi, me suis-je dit, fils encore inconnu de cette mère malheureuse, je partirai. J'irai mourir ou vaincre avec cet homme marqué par le destin et qui voulut nous laver du mépris que nous jettent même les plus esclaves et les plus vils parmi les habitants de l'Europe. Tu sais ce jeune marronnier que ma mère, l'hiver de ma naissance, planta elle-même au bord de la grande fontaine dans notre forêt, à 2 lieues d'ici. Avant de rien faire, j'ai voulu l'aller visiter. Le printemps n'est pas trop avancé, me disais-je. Eh bien, si mon arbre a des feuilles, ce sera un signe pour moi. Moi aussi, je dois sortir de l'état de torpeur où je languis dans ce triste et froid château. Ne trouves-tu pas que ces vieux murs noircis, symboles maintenant et autrefois moyens du despotisme, sont une véritable image du triste hiver ? Ils sont pour moi ce que l'hiver est pour mon arbre. Le croirais-tu, Gina ? Hier soir, à 7h30, j'arrivais à mon marronnier. Il avait des feuilles, de jolies petites feuilles déjà assez grandes. Alors je les baisais sans leur faire de mal. J'ai bêché la terre avec respect alentour de l'arbre chéri. Aussitôt rempli d'un transport nouveau, j'ai traversé la montagne. Je suis arrivé à Menaggio. Il me fallait un passeport pour rentrer en Suisse. Le temps avait volé, il était déjà 1h du matin quand je me suis vu à la porte de Vassy. Oh, je pensais devoir frapper longtemps pour le réveiller, mais il était debout avec 3 de ses amis. À mon premier mot, « Tu vas rejoindre Napoléon », s'est-il écrié, et il m'a sauté au cou. Waterloo. La bouteille circula. Le dernier qui l'a pris la jeta en l'air après avoir bu. « Merci, camarade », cria-t-il à Fabrice. Tous les yeux le regardèrent avec bienveillance. Ses regards ôtèrent un poil 100 livres de dessus le cœur de Fabrice. C'était un de ces cœurs de fabrique trop fines qui ont besoin de l'amitié de ceux qui les entourent. Désespéré, bien moins de la perte de son cheval que de la trahison, il se laissa tomber au bord du fossé, fatigué et mourant de faim. Si son beau cheval lui eût été enlevé par l'ennemi, il n'y eût pas songé. Mais se voir trahir et voler par ce maréchal des logis qu'il aimait tant et par ces hussards qu'il regardait comme des frères, c'est ce qui lui brisait le cœur. Il ne pouvait se consoler de tant d'infamie, et le dos appuyé contre un saule, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il défaisait, un à un, tous ses beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime, comme celle des héros de la Jérusalem délivrée. Voir arriver la mort n'était rien, entouré d'âmes héroïques et tendres, de nobles amis qui vous serrent la main au moment du dernier soupir, mais garder son enthousiasme entouré de vils fripons. Fabrice exagérait comme tout homme indigné. Après Waterloo. Fabrice avait cette ressemblance avec la jeunesse française qu'il s'occupait beaucoup plus sérieusement de son cheval et de son journal que de sa maîtresse bien pensante. Mais il n'y avait pas encore de place pour l'imitation des autres dans cette âme naïve et ferme, et il ne fit pas d'amis dans la société du gros bourg de Romagnan. Sa simplicité passait pour de la hauteur. On ne savait que dire de ce caractère. « C'est un cadet mécontent de n'être pas aîné, » dit le curé. Fabrice, un de ces cœurs de fabrique trop fine. Dialogue avec la duchesse. Arrivé le premier à Plaisance, Fabrice courut au devant de la duchesse et l'embrassa avec des transports qui la firent fondre en larmes. Elle fut heureuse que le comte ne fût pas présent. Depuis leurs amours, c'était la première fois qu'elle éprouvait cette sensation. Fabrice fut profondément touché et ensuite affligé des plans que la duchesse avait faits pour lui. Son espoir avait toujours été que, son affaire de Waterloo arrangée, il finirait par être militaire. Une chose frappa la duchesse et augmenta encore l'opinion romanesque qu'elle s'était formée de son neveu. Il refusa absolument de mener la vie de café dans une des grandes villes d'Italie. Te vois-tu au Corso de Florence ou de Naples ? Avec des chevaux anglais de pur sang, pour le soir, une voiture, un joli appartement, etc. Elle insistait avec délice sur la description de ce bonheur vulgaire qu'elle voyait Fabrice repousser avec dédain. C'est un héros, pensait-elle. Et après 10 ans de cette vie agréable, qu'aurais-je fait ? Que serais-je ? Un jeune homme mûr qui doit céder le haut du pavé au premier bel adolescent qui débute dans le monde, lui aussi sur un cheval anglais. Avant de te gendarmer, comprends donc ce que le comte te demande. Il ne s'agit pas du tout d'être un pauvre prêtre plus ou moins exemplaire et vertueux comme l'abbé Blanès. Rappelle-toi ce que furent tes oncles, les archevêques de Parme. Relis les notices sur leur vie dans le supplément à la généalogie. Avant tout, il convient à un homme de ton nom d'être un grand seigneur, noble, généreux, protecteur de la justice, destiné d'avance à se trouver à la tête de son ordre, et dans toute sa vie ne faisant qu'une coquinerie, mais celle-là fort utile. Ainsi voilà toutes mes illusions à volo. Le sacrifice est cruel. Je l'avoue, je n'avais pas réfléchi à cette horreur pour l'enthousiasme et l'esprit, même exercé à leur profit, qui désormais va régner parmi les souverains absolus. Songe qu'une proclamation, qu'un caprice du cœur, précipite l'homme enthousiaste dans le parti contraire à celui qui l'a servi toute la vie. Moi, enthousiaste ? Étrange accusation. Je ne puis pas même être amoureux. Comment ? Quand j'ai l'honneur de faire la cour à une beauté, même de bonne naissance, et dévote, Je ne puis penser à elle que quand je la vois. Naples. À Naples, il s'était pris d'un goût très vif pour l'étude de l'Antiquité. Il faisait des fouilles. Cette passion avait presque remplacé celle des chevaux. Il avait vendu ses chevaux anglais pour continuer des fouilles à Misène, où il avait trouvé un buste de Tibère, jeune encore, qui avait pris rang parmi les plus beaux restes de l'Antiquité. La découverte de ce buste fut presque le plaisir le plus vif qu'il eût rencontré à Naples. Il avait l'âme trop haute pour chercher à imiter les autres jeunes gens, et par exemple pour vouloir jouer avec un certain sérieux le rôle d'amoureux. Sans doute il ne manquait point de maîtresse, mais elle n'était pour lui d'aucune conséquence. Et malgré son âge, on pouvait dire de lui qu'il ne connaissait point l'amour. Il n'en était que plus aimé. Retour à Parme. Eh bien, monseigneur, les peuples de Naples sont-ils heureux? Le roi est-il aimé? Altesse sérénissime, j'admirais en passant dans la rue l'excellente tenue des soldats des divers régiments de Sa Majesté le roi. La bonne compagnie est respectueuse envers ses maîtres comme elle doit l'être. Mais j'avouerai que de la vie, je n'ai souffert que les gens des basses classes me parlassent d'autre chose que du travail pour lequel je les paie. Peste, quel sacre! Voici un oiseau bien stylé. C'est l'esprit de la Sanseverine. Piqué au jeu, le prince employa beaucoup d'adresse à faire parler Fabrice sur ce sujet si scabreux. Le jeune homme, animé par le danger, eut le bonheur de trouver des réponses admirables. C'est presque de l'insolence que d'afficher de l'amour pour son roi. C'est de l'obéissance aveugle qu'on lui doit. Il paraît que voici un homme d'esprit qui nous arrive de Naples, mais je n'aime pas cette engeance. Un homme d'esprit a beau marcher dans les meilleurs principes, et même de bonne foi, toujours par quelque côté, il est cousin germain de Voltaire et de Rousseau. Fabrice et la Duchesse. La position où le hasard me place n'est pas tenable. Je suis bien sûr qu'elle ne parlera jamais. Elle aurait horreur d'un mot trop significatif comme d'un inceste. Mais si un soir, après une journée imprudente et folle, elle vient à faire l'examen de sa conscience, si elle croit que j'ai pu deviner le goût qu'elle semble prendre pour moi, quel rôle jouerais-je à ses yeux? Exactement le Casto Giuseppe. Faire entendre par une belle confidence que je ne suis pas susceptible d'amour sérieux. Je n'ai pas assez de tenue dans l'esprit pour énoncer ce fait de façon à ce qu'il ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à une impertinence. Il ne me reste que la ressource d'une grande passion laissée à Naples. En ce cas, y retourner pour 24 heures. Ce parti est sage, mais c'est bien de la peine. Resterait un petit amour de bas étage à Parme, à ce qui peut déplaire. Mais tout est préférable au rôle affreux de l'homme qui ne veut pas deviner. Ce dernier parti pourrait, il est vrai, compromettre mon avenir. Il faudrait, à force de prudence et en achetant la discrétion, diminuer le danger. Il faut être bien maladroit, pourtant redouter de ne pouvoir persuader ce qui est si vrai. Que serait-il de moi, grand Dieu, si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j'ai un attachement passionné? Ma position est si remplie de charme. Mais au premier moment, je puis être réveillé par un coup de foudre. Ces soirées si gaies, si tendres, passées presque en tête-à-tête avec une femme si piquante, si elles conduisent à quelque chose de mieux, elle croira trouver en moi un amant. Elle me demandera des transports, de la folie, et je n'aurai toujours à lui offrir que l'amitié la plus vive, mais sans amour. La nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. Que de reproches n'ai-je pas eu à essuyer à cet égard? Je crois encore entendre la duchesse d'A. Et je me moquais de la duchesse. Elle croira que je manque d'amour pour elle, tandis que c'est l'amour qui manque en moi. Jamais elle ne voudra me comprendre. Souvent, à la suite d'une anecdote sur la cour contée par elle, avec cette grâce, cette folie qu'elle seule au monde possède, et d'ailleurs nécessaire à mon instruction, je lui baise les mains, et quelquefois la joue. Que devenir si cette main presse la mienne d'une certaine façon? Fabrice et la Duchesse. Il est résolu de ne jamais dire de mensonge à la Duchesse, et c'est parce qu'il l'aimait à l'adoration en ce moment qu'il se jura de ne jamais lui dire qu'il l'aimait. Jamais il ne prononcerait auprès d'elle le mot d'amour, puisque la passion, que l'on appelle ainsi, était étrangère à son cœur. Dans l'enthousiasme de générosité et de vertu qui faisait sa félicité en ce moment, il prit la résolution de lui tout dire à la première occasion. Son cœur n'avait jamais connu l'amour. Une fois ce parti courageux bien adopté, il se sentit comme délivré d'un poids énorme. Fabrice chez l'abbé Blanès. J'aurais peut-être bien fait de prendre la vie de café, comme dit la Duchesse. Elle semblait penchée de ce côté-là, et elle a bien plus de génie que moi. Grâce à ses bienfaits, ou bien seulement avec cette pension de 4 000 francs et ce fonds de 40 000 placé à Lyon et que ma mère me destine, j'aurai toujours un cheval et quelques écus pour faire des fouilles et former un cabinet. Puisqu'il semble que je ne dois pas connaître l'amour, ce seront toujours là pour moi les grandes sources de félicité. Je voudrais, avant de mourir, aller revoir le champ de bataille de Waterloo et tâcher de reconnaître la prairie où je fus si gaiement enlevé de mon cheval et assis par terre. Ces pèlerinages accomplis, je reviendrai souvent sur ce lac sublime. Rien d'aussi beau ne peut se voir au monde, du moins pour mon cœur. À quoi bon aller si loin chercher le bonheur? Il est là, sous mes yeux. Fabrice et la Duchesse. Je ne vaux réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation. Demain, vers les 5 heures, je dois revoir l'archevêque. Je pourrais partir dans la soirée et profiter de la fraîcheur de la nuit pour faire la route. On dirait que tu cherches des prétextes pour t'éloigner de moi. À peine de retour de Belgerate, tu trouves une raison pour partir. Et voici une belle occasion de parler. Mais sur le lac, j'étais un peu fou. Je ne me suis pas aperçu dans mon enthousiasme de sincérité que mon compliment finit par une impertinence. Il s'agirait de dire « Je t'aime de l'amitié la plus dévouée, etc. » Mais mon âme n'est pas susceptible d'amour. N'est-ce pas dire, je vois que vous avez de l'amour pour moi, mais prenez garde, je ne puis vous payer en même monnaie. C'est là de l'amour. La Duchesse peut se fâcher d'être devinée. Et elle sera révoltée de mon impudence si elle n'a pour moi qu'une amitié toute simple. Et ce sont des offenses qu'on ne pardonne point. Tu veux donc me fuir ? Non. Mais je voulais être sage. À la Duchesse. J'étais amoureux de l'amour. J'ai fait tout au monde pour le connaître. Mais il paraît que la nature m'a refusé un cœur pour aimer et être mélancolique. Je ne puis m'élever plus haut que le vulgaire plaisir. Fabrice. Un de ces cœurs de fabrique trop fine. Dans la citadelle, Clélia Conti. Quel regard! Que de choses il exprimait! Quelle profonde pitié! Elle avait l'air de dire « La vie est un tel tissu de malheur. Ne vous affligez point trop de ce qui vous arrive. Est-ce que nous ne sommes point ici-bas pour être infortunés ?» Comme ses yeux si beaux restaient attachés sur moi, même quand les chevaux s'avançaient avec tant de bruit sous la voûte. Fabrice oubliait complètement d'être malheureux. Il y avait lune ce jour-là, et au moment où Fabrice entrait dans sa prison, elle se levait majestueusement à l'horizon, à droite, au-dessus de la chaîne des Alpes, vers Trévise. Il n'était que 8h30 du soir, et à l'autre extrémité de l'horizon, au couchant, un brillant crépuscule rouge-orangé dessinait parfaitement les contours du mont Viseau et des autres pics des Alpes qui remontent de Nice vers le Mont-Cenis et Turin. Sans songer autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C'est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti. Avec son âme pensive et sérieuse, elle doit jouir de cette vue plus qu'un autre. On est ici comme dans des montagnes solitaires à 100 lieues de Parme. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de 2 heures à la fenêtre, admirant cet horizon qui parlait à son âme, et souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du gouverneur, que Fabrice s'écria tout à coup. Mais ceci est-il une prison? Est-ce là ce que j'ai tant redouté? Au lieu d'apercevoir à chaque pas des désagréments et des motifs d'aigreur, notre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison. Est-il possible que ce soit là la prison, et une première nuit en prison encore? Je conçois que Clélia Conti se plaise dans cette solitude aérienne. On est ici à 1000 lieues au-dessus des petitesses et des méchancetés qui nous occupent là-bas. Si ces oiseaux qui sont là sous ma fenêtre lui appartiennent, je la verrai. Rougira-t-elle en m'apercevant? En s'éveillant le lendemain matin. Verrai-je Clélia? Mais ces oiseaux sont-ils à elle? S'ils lui appartiennent, elle paraîtra un instant dans cette chambre, là, sous ma fenêtre. Qu'elle ne veut pas être mon chagrin si, au lieu de cette physionomie céleste et pensive que j'attends, et qui rougira peut-être un peu si elle m'aperçoit, je vois arriver la grosse figure de quelque femme de chambre bien commune, chargée par procuration de soigner les oiseaux. Mais si je vois Clélia, daignera-t-elle m'apercevoir? Ma foi, il faut faire des indiscrétions pour être remarqué. Ma situation doit avoir quelques privilèges. D'ailleurs, nous sommes tous deux seuls ici et si loin du monde. Je suis un prisonnier, apparemment ce que le général Conti et les autres misérables de cette espèce appellent un de leurs subordonnés. Mais elle a tant d'esprit, ou pour mieux dire tant d'âme, comme le suppose le comte, que peut-être, à ce qu'il dit, méprise-t-elle le métier de son père. De là viendrait sa mélancolie. Noble cause de tristesse. Mais après tout, je ne suis point précisément un étranger pour elle. Avec quelle grâce pleine de modestie elle m'a salué hier soir. Je me souviens fort bien que lors de notre rencontre près de Côme, je lui dis « Un jour, je viendrai voir vos beaux tableaux de Parme. » Vous vous souviendrez de ce nom, Fabrice Del Dongo. L'aura-t-elle oublié? Elle était si jeune alors. Mais à propos, j'oublie d'être en colère. Serais-je un de ces grands courages comme l'Antiquité en a montré quelques exemples au monde? Suis-je un héros sans m'en douter? Comment, moi qui avais tant de peur de la prison, j'y suis. Et je ne me souviens pas d'être triste. C'est bien le cas de dire que la peur a été 100 fois pire que le mal. Quoi, j'ai besoin de me raisonner pour être affligé de cette prison qui, comme le dit Blanès, peut durer 10 ans comme 10 mois. Serait-ce l'étonnement de tout ce nouvel établissement qui me distrait de la peine que je devrais éprouver? Peut-être que cette bonne humeur, indépendante de ma volonté et peu raisonnable, cessera tout à coup. Peut-être en un instant je tomberai dans le noir malheur que je devrais éprouver. Dans tous les cas, il est bien étonnant d'être en prison et de devoir se raisonner pour être triste. Ma foi, j'en reviens à ma supposition. Peut-être que j'ai un grand caractère. Troisième jour de prison. Malgré moi, je songe à ce regard de douce pitié que Clélia laissa tomber sur moi lorsque les gendarmes m'emmenaient du corps de garde. Ce regard a effacé toute ma vie passée. Qui m'eût dit que je trouverais des yeux si doux en un tel lieu? Et au moment où j'avais les regards salis par la physionomie de Barbone et par celle de monsieur le général gouverneur, le ciel parut au milieu de ces êtres vils. Et comment faire pour ne pas aimer la beauté et chercher à la revoir? Non, ce n'est point par grandeur d'âme que je suis indifférent à toutes les petites vexations dont la prison m'accable. Sans doute l'amitié de la duchesse fera des miracles pour moi. Eh bien, je ne la remercierai de la liberté que du bout des lèvres. Ces lieux ne sont point de ceux où l'on revient. Une fois hors de prison, séparé de société comme nous le sommes, je ne reverrai presque jamais Clélia. Et dans le fait, quel mal me fait la prison. Si Clélia daignait ne pas m'accabler de sa colère, qu'aurais-je à demander au ciel? Je m'exposerai chaque jour à la perspective de 1000 morts pour avoir le bonheur de vous parler à l'aide de nos alphabets, qui maintenant ne nous arrêtent pas un instant, Et vous voulez que je fasse à Dupris de m'exiler à Parme, ou peut-être à Bologne, ou même à Florence. Vous voulez que je marche pour m'éloigner de vous. Sachez qu'un tel effort m'est impossible. C'est en vain que je vous donnerai ma parole. Je ne pourrai la tenir. Fabrice, un de ces cœurs de fabrique très fines. Dans la chapelle de la citadelle, Fabrice et Clélia. Je ne puis vous adresser que peu de mots. Vous allez me donner votre parole d'honneur d'obéir à la duchesse et de tenter de fuir le jour qu'elle vous l'ordonnera et de la façon qu'elle vous l'indiquera. Ou demain matin, je me réfugie dans un couvent et je vous jure ici que de la vie, je ne vous adresserai la parole. Promettez. Ou bien nous nous parlons ici pour la dernière fois. La vie que vous m'avez faite est affreuse. Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour peut être le dernier de votre existence. Que faut-il promettre ? Vous le savez. Je jure donc de me précipiter sciemment dans un malheur affreux, et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde. Promettez des choses précises. Je jure d'obéir à la duchesse, et de prendre la fuite le jour qu'elle le voudra et comme elle le voudra. Mais que deviendrai-je une fois loin de vous ? Jurez de vous sauver, quoi qu'il puisse arriver. Comment ? Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus ? Oh Dieu, quelle âme me croyez-vous ? Mais jurez où je n'aurai pas un seul instant la paix de l'âme. Eh bien, je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là. Fabrice chez la princesse de Parme. Le nom de Monseigneur Del Dongo fut un des premiers annoncés à la soirée de grand gala, et la princesse le reçut avec toute la distinction possible. Les yeux de Fabrice étaient fixés sur la pendule, et à l'instant où elle marqua la 20e minute de sa présence dans ce salon, il se levait pour prendre congé, lorsque le prince entra chez sa mère. Après lui avoir fait la cour quelques instants, Fabrice se rapprochait de la porte par une savante manœuvre, lorsque vint éclater à ses dépens un de ces petits riens de cour que la grande maîtresse avait si bien ménagé. Le chambellan de service lui courut après pour lui dire qu'il avait été désigné pour faire le whist du prince. À Parme, c'est un honneur insigne et bien au-dessus du rang que le coadjuteur occupait dans le monde. Faire le whist était un honneur marqué même pour l'archevêque. À la parole du chambellan, Fabrice se sentit percer le cœur. Et quoiqu'ennemi mortel de toute scène publique, il fut sur le point d'aller lui dire qu'il avait été saisi d'un étourdissement subi. Mais il pensa qu'il serait en butte à des questions et à des compliments de condoléances plus intolérables encore que le jeu. Ce jour-là, il avait horreur de parler. Heureusement, le général des frères mineurs se trouvait au nombre des grands personnages qui étaient venus faire leur cour à la princesse. Ce moine, fort savant, digne émule des Fontana et des Duvoisin, s'était placé dans un coin reculé du salon. Fabrice prit poste debout devant lui, de façon à ne point apercevoir la porte d'entrée, et lui parla théologie. Mais il ne put faire que son oreille n'entendît pas annoncer M. le marquis et Mme la marquise Crescenzi. Fabrice, contre son attente, éprouva un violent mouvement de colère. « Si j'étais Borso Valsera, se dit-il, c'était un des généraux du premier Sforze, j'irai poignarder ce lourd marquis, précisément avec ce petit poignard à manche d'ivoire que Clélia me donna ce jour heureux, et je lui apprendrai s'il doit avoir l'insolence de se présenter avec cette marquise dans un lieu où je suis. » Sa physionomie changea tellement que le général des frères mineurs lui dit « Est-ce que votre excellence se trouve incommodée ?»« J'ai un mal à la tête fou. Ces lumières me font mal. Et je ne reste que parce que j'ai été nommé pour la partie de whist du prince. » À ce mot, le général des frères mineurs, qui était un bourgeois, fut tellement déconcerté que, ne sachant plus que faire, il se mit à saluer Fabrice, lequel, de son côté, bien autrement troublé que le général des mineurs, se prit à parler avec une volubilité étrange. Il entendait qu'il se faisait un grand silence derrière lui et ne voulut pas regarder. Tout à coup, un archer frappa un pupitre, on joua une ritournelle, et la célèbre Madame P. chanta cet air de Cimarosa, autrefois si célèbre, « Quelle pupille tenere ». Fabrice tint bon aux premières mesures, Mais bientôt sa colère s'évanouit et il éprouva un besoin extrême de répandre des larmes. Mon grand Dieu, quelle scène ridicule! Et avec mon habit encore. Ces maux de tête excessifs, quand je les contrarie comme ce soir, finissent par des accès de larmes qui pourraient donner pâture à la médisance dans un homme de notre état. Ainsi, je prie votre révérence illustrissime de permettre que je pleure en la regardant et de n'y pas faire autrement attention. Notre père provincial de Catanzara est atteint de la même incommodité. Et il commença à voix basse une histoire infinie. Le ridicule de cette histoire, qui avait amené le détail des repas du soir de ce père provincial, fit sourire Fabrice, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Mais bientôt il cessa d'écouter le général des mineurs. Madame P. chantait, avec un talent divin, un air de pergolèse. La princesse aimait la musique surannée. Il se fit un petit bruit à trois pas de Fabrice. Pour la première fois de la soirée, il détourna les yeux. Le fauteuil qui venait d'occasionner ce petit craquement sur le parquet était occupé par la marquise Crescenzi, dont les yeux remplis de larmes rencontrèrent en plein ceux de Fabrice, qui n'était guère en meilleur état. La marquise baissa la tête. Fabrice continua à la regarder quelques secondes. Il faisait connaissance avec cette tête chargée de diamants, mais son regard exprimait la colère et le dédain. Puis, se disant « Et mes yeux ne te regarderont jamais », il se retourna vers son père général. « Voici mon incommodité qui me prend plus fort que jamais. » En effet, Fabrice pleura chaud de larmes pendant plus d'une demi-heure. Par bonheur, une symphonie de Mozart, horriblement écorchée comme c'est l'usage en Italie, vint à son secours et l'aida à sécher ses larmes. Il tint ferme et ne tourna pas les yeux vers la marquise Crescenzi. Mais Madame P. chanta de nouveau et l'âme de Fabrice, soulagée par les larmes, arriva à un état de repos parfait. Alors la vie lui apparut sous un nouveau jour. Est-ce que je prétends pouvoir l'oublier entièrement dès les premiers moments? Cela me serait-il possible? Puis-je être plus malheureux que je ne le suis depuis 2 mois? Et si rien ne peut augmenter mon angoisse, pourquoi résister au plaisir de la voir? Elle a oublié ses serments. Elle est légère. Toutes les femmes ne le sont-elles pas? Mais qui pourrait lui refuser une beauté céleste? Elle a un regard qui me ravit en extase. Tandis que je suis obligé de faire effort sur moi-même pour regarder les femmes qui passent pour les plus belles. Eh bien, pourquoi ne pas me laisser ravir? Ce sera du moins un moment de répit. Fabrice avait quelques connaissances des hommes, mais aucune expérience des passions. Sans quoi il se fût dit que ce plaisir d'un moment, auquel il fallait céder, rendrait inutile tous les efforts qu'il faisait depuis 2 mois pour oublier Clélia. Fabrice s'approche de Clélia. Quel n'était pas mon bonheur, quand le vulgaire me croyait malheureux. Et maintenant que mon sort est changé. Non, il ne m'a pas oublié. Cette belle âme n'est point inconstante. Non, vous ne me verrez jamais changer, beaux yeux qui m'avez appris à aimer. Tout changea aux yeux de Fabrice. En un instant, il fut un autre homme. Dès le lendemain, il déclara que sa retraite était terminée et revint prendre son magnifique appartement au palais San Severino. Un caprice de tendresse. D'après ce vœu que je respecte et qui fait pourtant le malheur de ma vie, puisque tu ne veux pas me voir de jour, je suis obligé de vivre constamment seul, n'ayant d'autre distraction que le travail. Et encore, le travail me manque. Au milieu de cette façon sévère et triste de passer les longues heures de chaque journée, une idée s'est présentée, qui fait mon tourment et que je combats en vain depuis 6 mois. Mon fils ne m'aimera point. Il ne m'entend jamais nommé. Élevé au milieu du luxe aimable du palais Crescenzi, à peine s'il me connaît. Le petit nombre de fois que je le vois, je songe à sa mère, dont il me rappelle la beauté céleste et que je ne puis regarder. Et il doit me trouver une figure sérieuse, ce qui, pour les enfants, veut dire triste. Fabrice, un de ces cœurs de fabrique très fine. après la mort de Sandrino et de Clélia. Fabrice était trop amoureux et trop croyant pour avoir recours au suicide. Il espérait retrouver Clélia dans un meilleur monde. Mais il avait trop d'esprit pour ne pas sentir qu'il avait beaucoup à réparer. Peu de jours après la mort de Clélia, il signa plusieurs actes par lesquels il assurait une pension de 1 000 francs à chacun de ses domestiques et se réservait pour lui-même une pension égale. Il donnait des terres valant 100 000 livres de rente à peu près à la comtesse Mosca, pareille somme à la marquise del Dongo, sa mère, et ce qui pouvait rester de la fortune paternelle à l'une de ses sœurs mal mariées. Le lendemain, après avoir adressé à qui de droit la démission de son archevêché et de toutes les places dont l'avait successivement comblé la faveur d'Ernest V et l'amitié du premier ministre, il se retira à la chartreuse de Parme, située dans les bois voisins du Pô, à 2 lieues de Sacca. Entendre un de ces chœurs de Fabrique trop fine, Fabrice, par Roger Pilaudin. Préface de Thomas Aron. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mai 1967. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Jump into